la fatalité serait dessinée. Si nous allions où nous rêvons, alors notre âme deviendrait enchaînée. C'est ainsi que pour ma vie, je reste ouvert à ces bonheurs qui m'effleurent. Viens, tu verras, je te promets.